Vous êtes à C'est fou. 89.1. Vendredi 27 mai 21h30, votre café-bar Le Zénob a le bonheur d'accueillir le chanteur de type folk acadien Guillaume Arsenault, ainsi que l'artiste trifluvien et chanteur de Mimi Van Der Glo, Carl Hébert. Pour une soirée folk et folk sale, soyez au Zénob ce vendredi 27 mai pour Guillaume Arsenault et Carl Hébert. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Je ne veux rien venir vous enivrer. L'émission Palmarès du Monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis, 17h. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes à C'est fou? 89.1. Audiomatique. I'm not afraid to die. Le flow musical de la transmission 085 d'Audiomatic prenait sa mouvance à travers la musique du Britannique James Blake, qui nous présentait le premier simple de son troisième et plus récent album, soit la pièce Modern Soul de l'album The Color in Anything. Les électronistes vous saluent! Chaque mercredi, nous sommes heureux de partager avec vous nos trouvailles en matière de musique électronique, que ce soit des nouveautés ou des vieilleries. Peu importe, puisque la musique électronique est riche de son passé et tout aussi riche d'un présent qui se compose chaque instant grâce à des compositions synthétiques s'ajoutant à son répertoire et créant son histoire. Pour la séquence musicale qui s'amorce à l'instant, nous ne sommes pas dans l'histoire présente, mais plutôt dans le passé récent. Voici la formation The Knife avec sa pièce Marble House, composée en 2006. adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de la mente. La Pachamama lo siente. Dale a esta curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con palomas se enciende. Mama. C'est sur la musique de la formation Paloma del Cerro que se terminait cette séquence musicale de deux pièces. Nous entendions Curandera Curando, une pièce composée en collaboration avec la chanteuse hip-hop Miss Bolivia, une pièce qui est tirée du premier album de Paloma del Cerro intitulé Gozar hasta que me ausente. Et avant cela, c'était la formation suédoise The Knife et sa pièce Marble House qu'on retrouve sur l'album Silent Shout. La prochaine proposition que vous offrent les électronistes est l'œuvre de la formation allemande Rottersand. Thank you. C'est le 89.9. C'est fou. C'est fou. À Audiomatique, pour faire le lien avec ce que l'on entendait avant l'interruption publicitaire, sachez que le 16 avril dernier, dans le cadre du Record Store Day, le groupe new-yorkais Interpol faisait paraître l'album El Pintor Remixes, qui comprend des pièces de leur cinquième album studio El Pintor, paru en septembre 2014, remixé par différents artistes comme entre autres Panda Bear, Ghost Culture et Tim Hecker. Ici, nous entendions la chanson Same Town New Story, remixée par le projet suédois The Field. Rappelons que cette version remixée était déjà parue en décembre 2014. Et pour ouvrir cette séquence musicale, nous entendions la formation allemande Rottersand et la pièce Just Sails, tirée du mini-album Torn Realities. Audiomatique se poursuit sur la musique de la formation Download. Nous écoutions à l'instant le projet chilien Derrock et sa pièce Quebradas qu'on peut retrouver sur la toute nouvelle compilation Viaje Andino Volume 1, produite par le net label Sello Regional. Et avant cela, c'était la collaboration entre les artistes Kevin Key et Phil Western qui se matérialisait par leur projet Download. La pièce Neuron Proper que nous écoutions paraît sur l'album Fixer, sorti en 2007. Les dernières notes qui seront entendues lors de cette transmission 085 d'Audiomatic proviendront de la chanson Silent Wave, extraite de l'album Of Desire, le septième du duo anglais de KVB, qui a été souvent comparé à The Jesus and Mary Chain, A Place to Bury Strangers, The Soft Moon et Tropic of Cancer. Les électronistes vous attendent mercredi prochain dès 17h pour la transmission 086 d'Audiomatic, diffusée en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre profil facebook.com/audiomatic/CFOU pour accéder à toutes nos anciennes transmissions. Voici donc de KVB qui nous offre la chanson Silent Wave. Bonne écoute et bonne semaine.